Je t'aime en vain, je t'aime sans condition, je t'aime pour rien. Je t'aime parce que c'est toi. Et tu te fous de moi, largement. Comme une roue de secours, tu muses quand t'as besoin. Mon cœur n'est pas si dur, tu sens les coups, et puis j'ai mal partout. Tu m'as fait patienter. Comme une bouée percée. Comme une bouée percée. Je suis fatigué. Malheureusement. Sur le point de tout. Laisser tomber. Tu m'as pris pour un âne qu'on pouvait berner. Alors je te laisse ton match, tes matchs, moi, c'était pas pour jouer. Je t'ai vraiment aimé, je ne suis pas ta poupée. Les jeux sont terminés, l'arbitre a sifflé. L'amour sans toi. Allez, si je dois pleurer, pour une personne. Qui sera celle-là? Je t'aime en vain, je t'aime sans condition, je t'aime pour rien, je t'aime parce que c'est toi. Parce que c'est...